que toi tes luttes t'en foutent plein le nez. La descente aux enfers conditionnée en petit parce que ta célèbre t'a poussé dans les bras des dealers. Avec tes billets, tu leur achètes le bonheur. Grâce à toi, ils t'en font plus pour que ça aille mieux. Les billets plantés dans tes veines blessées. Grâce à toi, ils t'en font plus pour que ça aille mieux. Le poison se diffuse dans ton corps tout entier. Tu vas vers le fantôme, à chaque fois que dans ton corps tu t'injectes une nouvelle meuf de vent. Tu crèveras du overdose, le jour où ton cœur ton cerveau, tu seras la dose de trop. Tu te rends bien compte que tu ne peux plus t'en passer. C'est le premier shoot, ton sang est scellé. Overdose. Overdose. Overdose. Overdose. Au début, un choix de partager avec tes copains. Mais rapidement, la culture est une balle de cul. En cure, se taper des rails, ça peut paraître qu'on t'avance. Mais t'es toujours attrapé par l'indépendance. Et que tout le monde en prend, toi, je suis mis à la télé. Même les politiciens, ils poussent pour s'envoler. Pourquoi donc se retirer, pourquoi s'en priver? Obligé d'écouter pour être chic et manger. Tu vas vers l'overdose, à chaque fois que dans ton corps tu t'injectes une nouvelle dose de mort. Tu crèveras d'une overdose, le jour où ton cœur, ton cerveau, ce sera la dose de trop. À travers ta cabane, tu as l'impression de t'élever. Ce ne sont que des paradis artificiels que tu as visités. Tu es le seul responsable. Tu as choisi ton sang, ta façon de crever, la manière de ta mort. Tu fais une overdose, c'est la dernière fois que dans ton corps tu t'injectes une dose de mort. Tu crèves une overdose, aujourd'hui pour ton cœur, ton cerveau, c'est la dose de trop.